Les participants à la 10e exposition internationale des livres scientifiques et techniques de Pyongyang ont visité le 25 septembre le Palais du Soleil d'Ogumsusan pour formuler leur hommage au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il.